La nuit tombait. Le curé s'avança vers Jeanne, lui prit les mains, l'encouragea, déversant sur ce cœur inconsolable l'onde onctueuse des consolations ecclésiastiques. Il parla de la trépassée, la célébra en termes sacerdotaux, et, triste de cette fausse tristesse de prêtre pour qui les cadavres sont bienfaisants, il s'offrit à passer la nuit en prière auprès du corps. Mais Jeanne, à travers ses larmes convulsives, refusa. Elle voulait être seule, toute seule, en cette nuit d'adieu. Julien s'avança. « Mais ce n'est pas possible, nous resterons tous les deux. » Elle faisait « non » de la tête, incapable de parler davantage. Elle put dire enfin « C'est ma mère, je veux être seule à la veillée. » Le médecin murmura « Laissez-la faire à sa guise, la garde pourra rester dans la chambre à côté. » Le prêtre et Julien consentirent, songeant à leur lit. Puis l'abbé Picot s'agenouilla à son tour, pria, se releva et sortit en prononçant. C'était une sainte, sur le ton dont il disait « Dominus vobiscum ». Alors le vicomte, de sa voix ordinaire, demanda « Vas-tu prendre quelque chose ?» Jeanne ne répondit point, ignorant qu'il s'adressait à elle. Il reprit « Tu ferais peut-être bien de manger un peu, pour te soutenir. » Elle répliqua d'un air égaré « Envoie tout de suite chercher papa. » Et il sortit pour expédier un cavalier à Rouen. Elle demeura abîmée dans une sorte de douleur immobile, comme si elle eût attendu, pour s'abandonner au flot montant des regrets désespérés, l'heure du dernier tête-à-tête.